boys war music. Bonnie bitch, Bonnie bitch. Yeah bro, c'est qu'elle même. Bonnie bitch, Bonnie bitch. Huh? Ronnie bitch, Ronnie bitch. The second give, Ronnie bitch, Ronnie bitch. Huh? Ronnie bitch, Ronnie bitch. C'est juste un chien. J'ai de meilleurs potes, I was sick your fuse. Tous mes necks sont prêts à baiser des pétasses. Nego toi tu dors, Nego nous on taf. Little Ronnie dans le game on base. Que des belles meufs. Ronnie bitch, Ronnie bitch. Ronnie bitch, Ronnie bitch, c'est du lourd mec. Ronnie bitch, Ronnie bitch, huh? Ronnie bitch, Ronnie bitch, yeah. Ronnie bitch, salam à tous mes niggas. Jonas, Jonas, HHT, Rimka, Ronnie bitch, Dad Pot, we are the best. Ronnie sheets, quick, quick. Zip like game.